La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le temps nous ressemble-t-il ? André Breton terminait son poème intitulé « Le verbe être » par ces lignes. « Il fait un temps de temps. Je connais le désespoir dans ces grandes lignes. C'est comme le vent du rideau qui me tend la perche. A-t-on idée d'un désespoir pareil ? Et les annonces de journal ? Et les réclames lumineuses le long du canal ? Tas de sable, espèce de tas de sable. Dans ces grandes lignes, le désespoir n'a pas d'importance. C'est une corvée d'arbres qui va encore faire une forêt. C'est une corvée d'étoiles qui va encore faire un jour de moins. C'est une corvée de jours de moins qui va encore faire ma vie. » Fin de citation. Ce poème se trouve dans le recueil « Le revolver à cheveux blancs », un revolver dont on devine qu'il est pointé sur la tempe. Car c'est souvent là-haut que ça commence à mal finir. Quelqu'un, je ne sais plus qui, a d'ailleurs dit « Le temps c'est de l'argent, surtout sur les tempes ». Quoi qu'il en soit, Breton avait raison. Il fait vraiment un temps de temps. Le temps, plus exactement nos problèmes de temps, semble être devenu la grande affaire de notre temps. On lui consacre des colloques et on le met à toutes les sauces. Il y aurait le temps de ceci, le temps de cela, ceci et cela pouvant désigner mille choses différentes. Par exemple, constatant que nos agendas sont sursaturés et que tout fonce, à commencer par nous-mêmes, déplorant même que nous soyons devenus des cyber-gédéons ou des turbo-bécassines, nous nous exclamons « le temps passe de plus en plus vite », comme si la dynamique du temps se devait d'épouser consciencieusement le rythme de nos petites trépidations. Mais sans doute le succès de ces expressions, le temps s'accélère, en dit-il moins sur le temps et sur notre époque que sur le rapport que notre époque entretient avec le temps. Paul Valéry, en son temps déjà, parlait d'une intoxication par la hâte. Avait-il tout vu venir ? Pour en discuter à l'occasion de cette année 2018 qui se termine, j'ai choisi ce sujet relatif au temps en invitant Carole Lambezard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, responsable de la rubrique Science et Techno de Courrier International et vous sortez un numéro spécial qui est en kiosque qui s'intitule « Le temps passe-t-il trop vite ?» dans lequel vous avez rassemblé un certain nombre d'articles écrits par des gens d'un peu partout dans le monde. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est le Courrier International, comment il est né et ce qu'il propose ? Alors, Courrier International, c'est un hebdomadaire qui reprend la presse étrangère. Donc, ce que vous trouverez dans nos pages, ce sont essentiellement des articles de la presse qui vient du monde entier. On a une équipe de traducteurs formidable qui traduit une quantité de langues qu'on ne peut pas compter. Et donc là, tout ce que vous trouverez sur le temps, ce sont des journalistes étrangers qui l'ont écrit. Et donc, ça parle de leur rapport au temps et du rapport au temps des pays d'où ils parlent. Alors le temps passe trop vite, c'est la question que vous posez. Est-ce qu'on a le droit d'attribuer une vitesse au temps ? Dire qu'il passe trop vite, ça veut dire que les secondes durent moins qu'une seconde ? Ça voudrait dire que les secondes durent moins qu'une seconde, mais presque. Une seconde dure une seconde depuis la nuit des temps, si j'ose dire. Mais sa définition va changer à partir de mai 2019. Oui, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup, non, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Mais c'est la perception qu'on en a qui change. Et cette accélération, elle est très très concomitante des nouvelles technologies et de toute la quantité d'informations qu'on a l'impression devoir absorber en une seule seconde justement. Et quand on regarde tout ce qui se passe en une seconde sur Internet, c'est complètement effarant. Mais plutôt que d'une accélération du temps, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'une superposition de présents multiples, c'est-à-dire qu'on est assailli par toutes sortes d'informations qui existent de nous, qu'on absorbe tout ce qui se passe dans le présent ? Probablement, mais j'ai l'impression que la sensation de ceux qui y écrivent, en tout cas, c'est cette sensation d'accélération malgré tout. Mais c'est vrai qu'une superposition des présents serait plus juste, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que... On ressente. Ce qu'on ressente. Et pourtant, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter, on n'a jamais eu autant de temps libre. Et on dit que le temps nous manque alors qu'il est beaucoup plus abondant, je parle de la durée là plutôt, qu'il a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Alors après c'est le fractionnement du temps qui est différent aussi, c'est le fractionnement de la journée. Donc quand je dis effectivement, quand je parle du temps, ou quand même les différents journalistes du monde entier qui ont écrit les articles qu'on reprend dans Courrier International, parlent eux d'accélération, parlent bien de fin de la patience, parlent d'instantanéité, parlent d'une espèce d'absence de prise de recul, ou en tout cas d'absence de mise en perspective dans un temps plus global. Donc on n'est pas seulement dans la durée, on est aussi dans la journée et la façon dont la journée est fractionnée pour chacun d'entre nous, dans cette effectivement superposition des présents, dans cette sensation de multitâche, mais aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée qu'on a plus de loisirs qu'auparavant, donc ça c'est vrai dans la plupart des pays occidentaux, mais il reste quelque chose d'assez étonnant. Par exemple, je donne juste un exemple, en Australie, il y a une étude, un sondage plutôt, qui a demandé aux gens qu'est-ce que vous feriez pour avoir, est-ce que vous seriez prêt à payer pour avoir une heure de plus, par exemple, pour qu'une journée fasse 25 heures au lieu de 24. Et les gens, en moyenne, étaient prêts à payer l'équivalent de 68 euros. Et donc, un euro la minute. Un presque. Euro quasiment. Et les femmes étaient prêtes à payer plus que les hommes. Donc une des explications, c'est que, toujours la même chose, les femmes, ce sont celles qui s'occupent le plus du travail domestique, et donc elles aimeraient bien libérer ce travail domestique pour avoir du temps de loisir en plus. Donc en fait, ce temps de loisir en plus, il n'est pas perçu finalement comme un vrai temps de loisir en plus partout. Mais quand on dit qu'on n'a pas le temps, est-ce que en fait, ça ne vient pas du fait qu'on a le choix entre plusieurs activités? Et quand on choisit d'en faire une, du coup, on n'a plus le temps de faire les autres. Probablement. Et donc cette phrase « je n'ai pas le temps » est simplement une façon d'exprimer sa liberté. On a choisi de faire ceci plutôt que cela. Oui, mais l'impression que j'ai, c'est que personne ne le vit comme une liberté. Enfin, en tout cas, pas grand monde, et surtout pas dans les articles qu'on peut lire dans Courrier. Enfin, moi, j'ai vu un sondage qui montrait, alors je ne sais pas ce qu'il vaut, mais qui montrait que les gens, quand ils disent cela, mentent. Ah, c'est possible. C'est-à-dire que quand ils disent, mon ami, quand je te dis que je n'ai pas le temps, ça veut dire, en fait, que j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes. Oui, c'est un choix. Je n'ai pas pris le temps, en réalité. Alors, parmi tous les articles qui composent ce numéro spécial consacré à ce qu'on appelle l'accélération du temps, et sur lesquels on reviendra en partie, lesquels ou lequel vous a le plus surpris, qui vous a appris des choses, par exemple, que vous n'imaginiez pas? Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai bien aimé un article du quotidien espagnol El País, où le journaliste s'est amusé à simplement regarder à 18h en Europe qu'est-ce qui se passe. Donc, selon les pays. Donc à 18h en Espagne, on est toujours au travail, on ne va pas en sortir tout de suite. En France, à 18h, on va plutôt être à l'heure de l'apéro, on commence à sortir du travail. Ou dans les transports. Ou dans les transports à Paris. Mais en Allemagne, c'est un peu comme en France, c'est plutôt autour d'une bière. Mais il y a d'autres pays, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, où on dîne, où on a même déjà dîné à 18h. La journée de travail s'est arrêtée beaucoup plus tôt. Je trouvais ça marrant, c'est un article qui est sympa, qui fait le tour des pays européens. Et qui montre que l'Europe n'est pas synchrone. Qui montre que l'Europe n'est pas synchrone. On ne parle pas des fuseaux horaires, on parle des activités à une heure donnée. Et du coup, par contre, ça me permet d'enchaîner sur un autre article qui est écrit par un mathématicien polonais qui, lui, milite pour une unification des fuseaux horaires en Europe. Et il dit, au Portugal, en Irlande, les pays les plus à l'ouest, et puis en Grèce, les pays les plus à l'est, entre les deux, il n'y a que 3 heures d'écart. C'est pas beaucoup. Donc pourquoi pas, au même titre qu'on a fait une monnaie unique, pourquoi ne pas faire un temps unique et après, à chaque pays, d'adapter en fonction de ses rythmes, ses habitudes, ses rythmes biologiques. Il appelle même à ce qu'on se repose sur des études scientifiques des rythmes biologiques de chacun pour construire l'organisation de la journée. Mais lui, il dit, pourquoi ne pas faire un fuseau. Et comment est-ce que c'est accueilli? Parce qu'en fait, ça ne concerne pas que l'Europe, non. Il y a aussi les pays du Sud. Ah, bien sûr. Qui seraient aussi... Alors non, lui, il milite pour un temps de l'Union européenne. Hein. Il ne s'intéresse pas du tout aux pays du Sud. Il regarde ça... Voilà, c'est une proposition. Bon, elle sera peut-être proposée par des candidats aux élections européennes, j'imagine. J'en doute, malgré tout. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors, dans les articles de ce numéro qui vous a surpris? Alors, moi, il y a quelque chose, avant de vous parler de ce qui m'a surprise dans un article particulier, ce qui nous a tous amusés à Courrier International, c'était de voir à quel point les journaux papier parlent du temps dans leurs titres. Donc il y a le Time aux États-Unis, le Temps en Suisse, mais on a même un journal du Suriname, un quotidien qui s'appelle Le Vrai Temps. En Chine, il y a un quotidien qui s'appelle Le Temps du Globe. Et quand on nous dit pas le temps dans le titre, on nous parle du jour. Il y a l'Orient le jour, il y a toujours une référence au temps. Il y a aujourd'hui au Burkina Faso, il y a USA Today. Enfin voilà, il y a ce foisonnement du temps en une des médias. Je trouvais que c'était assez marrant de les mettre tous ensemble. Alors, il y a aussi un article, alors, pour le coup, il m'a surpris sur l'impatience et le fait d'être en retard, comme on s'est jugé. On voit que les facteurs culturels sont très importants. Tout à fait. Il y a des pays, il ne faut pas être en avance. Surtout pas. Le Japon, quand un train est parti avec quelques secondes d'avance par rapport à l'horaire, ça a plutôt réclamé des excuses de la compagnie parce que le train était parti une vingtaine de secondes en avance. Et là, donc, c'est un article d'un journal espagnol. Et l'auteur commence par cette anecdote donc du train qui est parti avec quelques secondes en avance et qui a nécessité des excuses de la compagnie de transport ferroviaire japonaise. Et c'est quelque chose qui est complètement inimaginable en Espagne, par exemple. Et l'auteur se sent floué, en fait, lui, par les retardataires. Et il dit que les retardataires sont des voleurs de temps. Parce qu'ils prennent en otage ce qui les attendent. Et ce qu'il raconte, c'est qu'avec le téléphone portable, plus qu'auparavant, il y a cette propension à se dire, on va prévenir à la dernière minute, voire même une fois que l'heure de rendez-vous est déjà passée. Donc on se donne le droit d'être en retard parce qu'on peut prévenir. Exactement, on se donne le droit d'être en retard parce qu'on peut prévenir. Et donc là, l'auteur nous dit, mais non, mais c'est pas possible. Et c'est effectivement assez amusant d'imaginer, de voir les retardataires comme des voleurs de temps. Quels sont les pays dans lesquels le fait d'être en retard est une véritable faute? Visiblement morale. Le Japon, de manière très claire. L'Allemagne un peu aussi. Les pays scandinaves apparemment, l'Allemagne probablement, pas certains pays africains, il y a un autre article. La France est dans la moyenne avec l'Italie. Il y a un article aussi que j'ai beaucoup aimé moi, c'est un article tanzanien du journal The East African et qui lui dit vouloir régler les choses enfin, avec un temps précis, c'est s'aligner sur le colon blanc. Et nous, en fait, le temps à l'africaine, c'est le temps de prendre son temps. Et donc, il y a tout un petit passage sur le calendrier mis en place par le pape Grégoire, qu'on utilise encore actuellement, et qui dit, mais ce calendrier est bien utile pour ne pas louper un avion, pour ne pas manquer un rendez-vous chez le médecin, mais il n'a pas le monopole du temps. Et en Afrique, savoir prendre son temps, c'est savoir ne pas interrompre une personne âgée qui raconte ses souvenirs, par exemple. Voilà, il y a aussi un proverbe, je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs, mais si c'est vraiment un proverbe qui dit en Afrique, paraît-il, ceux qui ont des montres n'ont pas le temps. Oui, alors moi je l'ai sous une autre forme, c'est les blancs ont la montre, nous avons le temps. On a recensé quelques dictons comme ça. Vous en avez d'autres ? J'en ai d'autres. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est un dicton géorgien qui dit « C'est le temps qui règne, pas les rois ». Il y a un autre du Turkménistan qui dit « L'homme vieillit, pas le temps ». Il y a un autre au Kazakhstan qui dit « Même en courant, on ne rattrape pas la journée d'hier ». Donc le temps est présent tout le temps en fait. Il est toujours là à faire son travail de temps, si on peut dire. Il n'est même pas affecté par le temps qui passe. Vous parlez aussi, enfin, il y a un article qui parle de Donald Trump, le président des États-Unis, qui est appelé le président de l'instantanéité, puisqu'il dirige le monde, enfin, en tout cas, une partie du monde, uniquement avec des tweets intempestifs. Oui. Et sa réactivité oblige les médias à suivre et donc impose un tempo. Complètement. Donc c'est Alan Jacob, qui est un professeur de littérature anglaise, qui écrit cet article dans le Guardian et qui dit que plus que jamais, Trump est le président de l'ici et maintenant. Et qu'effectivement, qu'il impose un rythme, mais que c'est un rythme effréné. Et donc ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur la superposition des présents. C'est que lui, toutes les informations qu'il a, il les processe pas, il les recrache directement. En plus, à travers les réseaux sociaux qui sont diffusés instantanément partout dans le monde, il y a jamais de recul. Et l'auteur, lui, à un moment donné, cite un romancier américain qui dit que pour fonctionner de façon saine, il faudrait cultiver notre gamme de fréquences temporelles. Et ça, c'est l'idée que notre expérience s'inscrit dans un passé, dans un futur, qu'il n'y a pas juste le présent, qu'il y a quelque chose d'un peu plus vaste, donc qu'on peut imaginer de manière linéaire, comme on a l'habitude de le faire, du passé vers le présent, mais qu'on pourrait peut-être aussi imaginer autrement.

Mais bon, c'est sûr que c'est pas très joyeux non plus. Alors dans les articles qui composent ce numéro spécial sur le temps qui s'accélère de Courrier International, il y en a un sur les fuseaux horaires, avec cette bizarrerie de la Chine, oui, qui s'étend sur 5 fuseaux horaires et l'heure est unifiée. Complètement. Est-ce que c'est ça qui a donné l'idée à l'Europe de faire la même chose ? D'unifier le temps en Europe comme la Chine l'a unifié ? Je suis pas sûre que ce soit ça qui ait donné l'idée. La Chine, c'est quand même un pays qui est très particulier parce qu'il est très vaste. Enfin, c'était 5 fuseaux horaires avant la Révolution. C'est depuis Mao Zedong qu'il y a un seul fuseau. Donc il faut imaginer que quand il y a des événements officiels, des levées de drapeaux, quand on est à l'heure de Pékin, on est en plein milieu de la nuit à l'autre bout du pays. Mais du coup, ça doit désynchroniser les activités. C'est-à-dire les gens ne vont pas travailler à la même heure selon qu'ils sont à l'est ou à l'ouest. Oui. Le temps et cette gestion des fuseaux horaires et cette gestion des activités dans la journée, c'est effectivement aussi un enjeu politique, un enjeu géopolitique. Et par exemple, la Corée a unifié ses horaires il n'y a pas très longtemps. Depuis 3 ans, ils avaient une demi-heure d'écart entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mmh. Et là, pour favoriser l'harmonie nationale, il a été décidé de corriger cette anomalie avec des guillemets. Donc ça veut dire que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont synchrones. Sont désormais synchrones, de nouveau. Et on remarque que ça a des effets sur la géopolitique ? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est la géopolitique qui a des effets sur le temps. Pas sur les fuseaux, pas sur le temps même. Non, pas sur le temps même, sur la façon de se représenter le temps. C'est avec les fuseaux horaires, il y a quelque chose d'assez étonnant. Bon, déjà, il y en a 24 en soi, c'est pas étonnant. Mais c'est quand on regarde la carte des fuseaux horaires, donc là, dans Courrier International, on a une jolie carte, on voit toutes les bizarreries, on imaginerait que les fuseaux, ils sont tout droits. Et en fait, non, les fuseaux, ils sont pas tout droits parce qu'ils viennent englober des bouts de pays sur les côtés. Il y a des pays, en Australie, par exemple, il y a des États qui ont une demi-heure d'écart entre un État à l'ouest et un État à l'est, par exemple. Et donc, on s'arrête à la frontière d'État et on décale sa montre d'une demi-heure. Il y a des endroits, ça descend jusqu'au quart d'heure, en fait, ces anomalies, entre guillemets. Alors, si on quitte la Terre, parce qu'il n'y a pas que la Terre dans le monde, il y a aussi la planète Mars. Oui, tout à fait. La planète Mars a une rotation qui se fait en un peu plus d'une journée terrestre. Tout à fait. C'est 24 heures plus 39 minutes, je crois. Plus 39 minutes. Et puis l'année martienne, elle est beaucoup plus presque longue. Deux fois l'année terrestre. Elle fait 687 jours. Voilà, donc comment est-ce qu'on s'arrange pour, quand on est un satellite par exemple? Pour l'instant, sonde. Ça a été l'objet d'une conférence qui s'est tenue le dernier week-end d'octobre en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, qui est aussi la capitale de l'horlogerie. Et effectivement, on apprend dans un article du journal suisse Le Temps, par exemple, que les ingénieurs de la NASA, ils ont deux montres au poignet, une avec le temps martien et une autre avec le temps terrestre, pour pouvoir communiquer avec les instruments qui sont à bord des petits rovers là, qui ont atterri sur la planète Mars. Donc voilà, c'est assez amusant de... Mais ils ne sont pas d'accord entre eux, Mais ils ne sont pas d'accord entre eux, exactement. Ils sont pas qui veulent dire qu'il y a 24 heures sur Mars, quitte à changer la durée de la journée martienne. Tout à fait. D'autres qui veulent que ce soit l'année martienne qui soit mesurée par une année terrestre. Exactement. Donc pour l'instant, on sait faire en fait avec les satellites, on sait communiquer avec eux, on sait communiquer avec les sondes qui sont posées sur la planète rouge. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus sur quel temps choisir. À quelle heure il faut se mettre ? Est-ce qu'il faut se mettre à l'heure martienne ou est-ce qu'il faut se mettre à l'heure terrestre ? Mais je ne sais pas comment vous répondez à la question « Est-ce que le temps passe trop vite ou pas ?» dans ce numéro de Courrier International. Mais est-ce que quand on dit que le temps s'accélère, on ne se cale pas sur le rythme d'une société telle qu'on le perçoit à la télévision, par exemple, mais qui n'est pas le rythme que les gens vivent dans leur vie quotidienne ? Je pense qu'il y a par exemple beaucoup de gens dans les maisons de retraite, les chômeurs par exemple, qui ont au contraire l'impression, ou dans les prisons, qui ont l'impression que le temps ne trépide pas du tout, et qu'au contraire, il est extrêmement lent. Donc est-ce qu'on n'est pas piégé par le spectacle d'un faux rythme, qui nous laisse penser qu'on est en retard par rapport au rythme de l'histoire, alors que beaucoup de gens sont complètement décalés par rapport à lui ? Il y a cette idée de surmenage, alors qui est maintenant, c'est plus seulement la télé, c'est vraiment l'ensemble des réseaux sociaux. Il y a une idée de quantité d'informations, en fait, plus que de temps. Il y a un flux qui nous submerge, mais Vos grands-parents, par exemple, n'auraient certainement pas eu le temps de regarder la télévision 4 heures par jour. Probablement pas. Mais par contre, ils ne se seraient pas du tout agacés de voir une vidéo qui ne se lance pas instantanément. En fait, il y a ce rapport entre le temps qui passe réellement et l'idée de la façon dont on aimerait que le temps se passe réellement. Vous voulez dire que le rythme des informations, par exemple, nous rend impatients ? Complètement. Et c'est ce qu'ont l'air de dire la plupart des auteurs qu'on retrouve dans ce numéro spécial. C'est que il y a quelque chose qui nous rend impatients et il y a une espèce de boucle qui se met en place. C'est-à-dire que lorsque quelque chose ne se produit pas à la vitesse à laquelle on s'attendrait qu'elle se produise, il y a une espèce de frustration qui se crée. Et on a vu que quand on a des émotions fortes, on envoie des signaux particuliers à notre cerveau et notre cerveau nous envoie des signaux particuliers et qu'il y a une espèce de boucle qui se met en place. Cette frustration, elle crée de l'agacement et cet agacement, elle crée de l'impatience. À la fois, ça va pas assez vite et en même temps, ça va trop vite. Sans qu'on puisse trouver un point d'équilibre. Tout à l'heure, on parlait des remèdes, l'idée de cette gamme de fréquences temporelles. Il y a un autre remède qui est proposé par une géologue américaine qui s'appelle Marcia Björnerud. Et elle dit, regardez ce qui se passe autour de nous avec le prisme de la géologie. C'est une piste, en tout cas, pour se débarrasser de cette impatience, pour percevoir les temps longs. Parce qu'elle dit, voilà, la Terre, elle a 4 milliards 540 millions d'années. Donc, on est complètement sur autre chose. On a dépassé de loin la seconde. Et elle a créé un concept. C'est le concept de timefulness, qui se rapproche de celui de mindfulness, la pleine conscience. Et ce qu'elle dit, c'est que voilà, il faut avoir cette conscience du temps. Elle parle des choses naturelles, du temps naturel, mais c'est pas le temps naturel, mais en tout cas c'est le temps de la planète et le temps que met une chaîne de montagnes pour se former et donc elle dit voilà, la géologie c'est une science qui n'a pas le prestige d'autres sciences, elle est pas sous le feu des projecteurs régulièrement parce qu'elle n'a pas de prix Nobel. Mais c'est une science qui pourrait permettre, si chacun avait, ne serait-ce que des rudiments, avait en tête des échelles de temps de notre planète, ça pourrait permettre de s'affranchir de cette impatience-là. Vous voulez dire que la connaissance des temps biologiques permettrait de relativiser le temps qu'on passe ou qu'on perd dans les embouteillages, par exemple. En tout cas, c'est ce qu'elle propose, elle. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que ça peut marcher ? Pourquoi pas ? Il y a un article d'économie sur les transports pour gagner du temps. Oui. Donc les fameuses trottinettes électriques, etc. Est-ce que il y a le besoin comme ça en ville d'aller de plus en plus vite ? Il y a le besoin d'aller de plus en. En tout cas, est-ce que c'est un besoin ? C'est pas sûr. Il y a l'envie d'aller de plus en plus vite. Et du coup, peut-être que ça crée un besoin. Et il y a plein de choses pour y répondre. Il y a des gens qui se penchent sur. Vous savez, ces trains de bus, quand on attend le bus, on a l'impression d'avoir attendu très longtemps et puis tout à coup, il y en a 3 qui arrivent. C'est extrêmement agaçant. Et donc, il y a des gens qui se penchent là-dessus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui mettent en place des algorithmes d'aide à l'espacement des bus. Pour éviter que les bus soient en retard systématiquement et qu'il y en ait 3 qui arrivent d'un coup. Si je reste sur cette idée-là. Mais si le chauffeur est payé au nombre de passagers dans son bus, il va s'arranger lui-même pour créer des intervalles qui lui permettent de se remplir. Je crois qu'il y a une étude qui a été faite sur les bus mexicains, par exemple, pour montrer que selon qu'on est fonctionnaire ou pas, ça garantit un taux de remplissage dans des bus successifs qui n'est pas le même. Donc là, le papier qu'on propose dans le journal n'évoque pas cette solution-là. Elle évoque simplement déjà la cause, l'idée que quand le bus prend du retard, et ben quand il arrive à la station, il y a plus de monde, donc il accumule de retard parce qu'il y a des gens qui montent dedans. Il accumule le retard comme ça au fur et à mesure. Donc une des façons, ce sera vraiment de pouvoir gérer ça en temps réel et parfois, pourquoi pas, de laisser de côté certains passagers qui sont en train d'attendre pour qu'ils prennent le suivant et continuer d'avancer. Il y a des solutions comme ça qui sont proposées. Les trottinettes, ça fait partie. Enfin, à Paris, on voit bien, les rues sont remplies de trottinettes électriques. En ce moment, je pense que c'est un des moyens de transport les plus rapides dans la capitale. On peut aller à 25 km/h. Ça pose plein d'autres problèmes parce que Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de sécurité pour les usagers, pour les voitures, mais aussi pour les personnes qui marchent sur les trottoirs. N'empêche que ça fait partie de la panoplie d'outils pour aller plus vite. Il y a dans le numéro, on parle de plusieurs petites applications pour téléphone portable qui permettent d'aller plus vite. Il y en a une qui est très connue, très utilisée, c'est CityMapper. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une appli de transport, en fait. Vous lui dites, je suis là, je voudrais aller là, comment j'y vais? Donc, elle vous propose plein de moyens pour y aller, mais elle combine aussi des choses. Donc, alors, dans Paris, elle utilise évidemment toutes les lignes de métro, RER, les bus, mais aussi le Vélib, les taxis, Uber. Et cette appli, qui a été créée en 2011 par un ancien de Google, elle existe dans plein de villes du monde et elle vous propose évidemment le temps de trajet le plus court. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Il y a un autre sujet qui pourrait intéresser nos auditeurs, c'est la question des réfugiés. Oui. Comment des rapports au temps peuvent être bouleversés par d'abord le fait de migrer et ensuite le fait d'arriver dans un pays où les rythmes sont différents de ceux qu'on a connus. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Alors des études, moi j'en ai pas sous les yeux. Par contre, on a un très beau texte de l'écrivain syrien qui s'appelle Yassine Al-Hajj Saleh, qui aujourd'hui est exilé en Turquie depuis 2013. Et là, il propose un texte dans le journal Al-Jumhuriya, dans lequel il explique en fait ce que c'est que ce temps du réfugié. Il raconte que c'est comme être un prisonnier qui n'aurait pas eu de procès et qui ne sait pas pour combien de temps il est emprisonné. Et donc, il explique aussi comment cette idée du temps du retour qui n'est pas défini, comment ça façonne ses journées, comment ça façonne son rapport aussi à l'espace. Et il écrit que avoir un point de stabilité, ça peut permettre d'avoir l'impression de maîtriser son temps et qu'un point de stabilité, ça peut être un point de stabilité dans l'espace. Donc s'ancrer quelque part dans l'espace, avoir un logement déjà pour commencer, ça peut permettre au moins d'avoir l'impression d'avoir la possibilité de maîtriser son temps. Et ça parle aussi du temporaire en fait. Donc là, on n'est plus du tout dans l'accélération. On est vraiment dans ce rapport au temps qui nous échappe complètement. Et avec le retour qui est inconnu, en fait. Est-ce qu'il y a des articles scientifiques dans votre numéro spécial, Carole Lambeza? Il y a plusieurs articles. Celui sur le temps sur Mars dont on a parlé, il est effectivement rangé dans la rubrique science. On a un long article de Motherboard sur un chercheur qui lit l'heure dans les atomes et qui essaye de fabriquer la montre la plus précise possible. Une horloge atomique. Exactement. Qui dériverait d'une seule seconde pour une durée équivalente à l'âge de l'univers de 13,7 milliards d'années. Exactement. Donc c'est précis. C'est très très très précis. Et donc il utilise de la physique quantique de pointe. Il utilise de la physique quantique de pointe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, lui, ce qu'il raconte, c'est que il a l'impression que d'aller de manière toujours plus précise dans la mesure de cette fraction de seconde. Il voit pas de limite. Il voit pas de limite. Il voit pas de limite. Il dit plus on plonge dans les profondeurs des temps atomiques et plus le champ des possibles s'agrandit. Je suis pas sûr qu'il ait tout à fait raison, mais il faudrait. Je suis pas sûr non plus, mais en tout cas, l'article est assez intéressant et c'est assez. C'est assez fascinant, en fait, de voir cette espèce de passion pour cette précision. Bon, mais le temps, vous le savez, c'est une grande question pour les physiciens. Est-ce qu'il existe? Comment est-ce qu'il se couple à l'espace? Comment le représenter? Comment le définir, déjà? Bien sûr. Parce que dans le langage courant, d'ailleurs, ça se voit très bien en lisant les articles de votre numéro, le temps, c'est un mot qui veut dire tantôt la durée, tantôt le changement, tantôt la vitesse, tantôt l'accélération, tantôt le devenir, tantôt l'argent, tantôt l'impatience. C'est pas très précis. C'est pas très précis du tout. Alors, on arrive à peu près à se mettre d'accord quand on parle effectivement d'unité, quand on parle en secondes ou... Pour les durées, oui. Pour les durées, exactement. Quand on a des durées mesurables. Ça me permet de vous raconter, c'est un tout petit article dans le journal. On dit beaucoup, le temps c'est de l'argent. Donc c'est quelque chose, voilà, on n'a pas de doute sur l'existence en tout cas de ce dicton qui est connu à peu près partout dans le monde. Et c'est quelque chose auquel les marchés boursiers sont très attentifs. Et il y a des ingénieurs qui travaillent pour le Nasdaq qui mettent au point un outil de synchronisation précis à la nanoseconde près. Celui qui est utilisé actuellement, il est précis à la milliseconde, donc au millième de seconde. Et là, ils sont en train de développer quelque chose de beaucoup plus précis pour savoir, en fait, toutes les ordres, toutes les transactions. Pour réagir au plus vite. Non seulement pour réagir au plus vite, mais aussi pour savoir vraiment quelle est la transaction qui est arrivée la première, en fait. Et donc, qui a gagné de l'argent et qui en a perdu. Et un des concepteurs de ce nouveau système, qui s'appelle Huygens, donc en référence au physicien néerlandais qui a créé la première horloge à pendule, cet ingénieur dit que c'est vraiment dans le domaine des marchés financiers que l'obsession du temps est la plus marquée, en fait. Mais ça veut dire que les opérateurs sont remplacés par des robots, d'une certaine façon? Ah ben, c'est déjà le cas. Je veux dire, là, tout fonctionne déjà par ordinateur. Il y a bien des opérateurs qui pressent le bouton, donc il y a bien un temps de réaction pour dire oui, j'achète ou je vends. Celui-là, c'est effectivement, il est limité quand même par un humain encore pour l'instant, mais l'ordre dans lequel ça arrive, comme tout arrive de partout en même temps, il faut bien quelque chose pour délimiter qui est arrivé en premier et qui a gagné ou qui a perdu. Mais est-ce que ça donne pas une vision un peu effrayante de ces marchés financiers? Ah, ça n'aide pas à les rendre sympathiques. Carole Lambeza, on va passer le deuxième morceau de musique que vous avez choisi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, vous allez nous c'est le dire. C'est Georgia Smith. C'est une chanteuse qui a une voix superbe, je vous laisserai écouter. Et c'est un titre qui s'appelle Tomorrow. The hardest thing I have learned is I can't help myself. I can't trust my worth, then I can't trust my words. Accepting it's not my fault, but I'm no one to blame. And I know I've got to change. No, I'm not ashamed. You've given me all of your time. I won't say goodbye. I Carole Lambeza, magnifique voix en effet, belle chanson dont le titre est Tomorrow. C'est ça. Est-ce qu'il est vrai qu'on joue la musique de plus en plus vite? Je crois savoir que Bach, par exemple, on le joue dans les orchestres il de semblerait. Plus en plus. Comment ça peut se mesurer ça? Alors, en tout cas, ça peut se mesurer au cours des 50 dernières années. On a des enregistrements, on a des... De quoi comparer? Des traces. Des traces, exactement. Alors, on ne sait pas à l'époque de Bach à quelle vitesse ça se jouait, mais on a mesuré, on a comparé, et on s'est rendu compte qu'au cours des 50 dernières années, on s'était mis à jouer de plus en plus vite, et aujourd'hui, on joue 30% plus vite. 30%? Donc, c'est énorme. Qui a 50 ans? Oui. Mais c'est inconscient, c'est délibéré, ou c'est notre impatience qui réclame que les notes défilent plus vite? Peut-être un petit peu de tout ça, en fait. Alors, puisque le titre de la chanson est Tomorrow, ça invite à parler du futur, et on a l'impression à lire les différents thèmes qui composent ce numéro que c'est la question du présent qui nous préoccupe. Complètement. Comme si le futur s'était absenté du champ de nos représentations. Quand on lit les journaux, quand on regarde la télévision, quand on regarde des pages internet, on ne nous parle que du présent. On ne nous parle que du présent. Or, l'idée de progrès, elle suppose qu'on configure le futur à l'avance, donc, d'une façon qui soit crédible et attractive. Or, c'est pas le cas, là. Le futur s'est absenté. Le futur s'est absenté, en tout cas, effectivement, des journaux. Mais par contre, les cinéastes s'en emparent, en tout cas, dans les artistes s'en emparent. Et il y a plein de séries qui, des séries futuristes, on va dire. Le cinéma s'empare aussi du futur. Il y a eu ce film, je sais pas si vous avez vu Premier Contact. Qui est assez fascinant à la fois parce que bon, on est toujours dans cette histoire de la rencontre avec les extraterrestres, quelque chose qui est assez courant. Mais là, on a l'idée de se souvenir du futur. Donc ça, c'est une proposition que j'ai trouvée très intéressante. Donc le film était sorti en 2016. Et je trouve qu'il proposait quelque chose de vraiment nouveau. Donc il était basé sur l'idée du langage, l'idée d'une pensée circulaire, d'une représentation circulaire du temps. Mais l'idée de se souvenir du futur, c'est quand même bizarre que le futur se soit quand même en général absenté de nos représentations. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, évidemment, on me parlait de l'an 2000 tous les jours. Oui. L'an 2000 était configuré, il était presque dessiné par des bandes dessinées, mais aussi comme dans des discours, dans des récits, on nous expliquait comment on allait voyager, se déplacer, travailler, communiquer, se nourrir. Et aujourd'hui, cette représentation du futur est presque abandonnée. Parce qu'il y a une crainte. Je pense que le fait de se concentrer sur le présent, c'est une façon de ne pas regarder cet avenir qui fait peur. Mais c'est pas l'inverse, c'est parce qu'on parle pas du futur que du coup il est colonisé par les peurs et l'angoisse. Un peu des deux. Là, par exemple, il y a, vous savez, l'horloge de l'apocalypse, qui est, aujourd'hui, on est en 2018, en tout cas, on est à minuit moins deux. Sur cette horloge, qui est une horloge conceptuelle, minuit, c'est la fin du monde. Et plus on se rapproche de minuit, et plus on est menacé par... Mais parfois, l'aiguille recule. Parfois, l'aiguille recule. Les dangers sur... Tout à fait. Dans les années 90, on était très loin de minuit. On était 14, 15, 16 minutes peut-être de minuit. Qu'est-ce qui fait qu'elle a brutalement avancé? Il y a plein de choses. Bon, dans les années 90, on avait conscience déjà du changement climatique, mais ça nous semblait loin. Aujourd'hui, on a conscience du changement climatique. Enfin, tout le monde, non, parce que le président Trump ne l'accepte toujours pas. Ça dépend des jours. ça dépend du temps. Du coup, enfin, le changement climatique, justement, la montée des populismes, les attentats récents, tout ça fait qu'il y a une impression qu'il y a une menace, que la menace est beaucoup plus présente que dans les années 90, par exemple. Et donc cette idée que on est si près de la fin du monde, enfin, ça fait que voilà, le futur est mis à distance. C'est quand même bizarre, j'insiste là-dessus, c'est l'idée de progrès qu'on a un peu abandonnée. On parle plus tellement de progrès, on parle d'innovation. On parle d'innovation. Elle supposait qu'on se donne du futur une image qui soit à la fois crédible et attractive. Crédible parce que c'est pas l'utopie. Il faut qu'il y ait un chemin qui permette d'aller de là où on est à ce futur où on souhaite atterrir. Et il faut que ce soit attractif pour qu'on fasse les efforts qui permettent à ce futur désiré à l'avance d'advenir. Et ce que vous dites, c'est que souvent les scientifiques, quand ils parlent aujourd'hui, qu'ils soient climatologues, bien biologistes spécialistes de la biodiversité, quand ils parlent du futur, le font en des termes très angoissants. Oui. Et donc, quand c'est crédible, c'est pas très attractif. Et quand c'est attractif, c'est pas très crédible. Et c'est peut-être cela qui fait qu'on a du mal à penser le futur en des termes qui ressemblent à ceux qu'on utilisait pour dire le progrès. Oui. Là encore, je reviens sur ce que nous propose le monde audiovisuel et les séries. Par exemple, il y a pas si longtemps, quand on nous proposait le futur, on nous proposait des modes de transport extraordinaires, des voyages dans le temps. On nous disait que dans le futur, enfin, tout allait être super. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, en tout cas ce que les artistes nous proposent, que c'est un peu apocalyptique. Par exemple, il y a cette série Black Mirror qui marche très bien, qui nous propose des innovations. Donc on n'est pas dans le progrès du tout, on est dans des innovations technologiques qui sont absolument effrayantes. Aujourd'hui, quand on regarde ce que la biologie nous propose, là, récemment, il y a eu l'annonce de la naissance de deux enfants nés avec des ADN modifiés. Des génomes modifiés. C'est pas complètement clair, mais. C'est pas complètement clair, exactement. Mais à la limite, que ce soit clair ou pas, c'est le message que ça envoie et c'est la façon dont on s'en empare. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dualité entre, à la fois se dire, on peut modifier le vivant à cette échelle-là. Et en même temps, c'est extrêmement effrayant parce qu'on a l'impression d'être dans l'idée du savant fou qui maîtrise pas, qui se prend pour Dieu. Et cette idée du savant fou, elle est de nouveau très au cœur de ce qu'on nous propose. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction en fait entre la technologie et la science? Au sens où les technologues, les ingénieurs nous disent que le corps humain peut être augmenté, par toutes sortes d'artefacts, on peut jouer sur son génome, on peut mettre dans le cerveau des implants qui vont augmenter ses capacités cognitives par exemple. Puis dans le même temps, les scientifiques nous disent que l'environnement va se dégrader, la biodiversité va se réduire, et donc les conditions de vie vont devenir beaucoup plus dures. De sorte que si on croise le discours des technologues avec celui des scientifiques, on arrive à l'idée d'un espèce de cyborg qui va vivre dans un environnement complètement dégradé. D'ailleurs, le cyborg avait été pensé justement comme étant cet humain trafiqué par la technologie qui pourrait vivre dans des environnements, dans l'espace par exemple, complètement différents. Oui, oui. Il y a aussi cette idée que, enfin, avec la science, il y a une espèce de recherche de la connaissance qu'on n'a pas du tout avec les technologues. Est-ce qu'il y a des représentations du temps qui diffèrent beaucoup dans les pays que vous avez sollicités, les articles que vous avez repris? Des endroits où on croirait que le temps est circulaire, par exemple, d'autres où il est en spirale? Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez amusant même, parce que nous, on est complètement façonnés par... Cette vision du temps linéaire, même quand on est à l'école, on nous fait dessiner des frises chronologiques et on met sur la gauche de la page, on met les temps anciens et puis on fait avancer notre ligne et on va vers le futur. Et c'est une façon de représenter les choses qui est très basée sur cette idée du progrès quand même, avec cette idée que le temps à venir est meilleur. Enfin, c'est pas plutôt l'inverse, c'est à partir du moment où on a pensé à un temps linéaire que l'idée de progrès a pu s'inscrire dans une temporalité qui permettait de penser à un futur différent du présent. Oui, ça, tout à fait. Et il y a d'autres endroits où c'est pas comme ça. Il y a d'autres endroits où c'est pas comme ça, et même ça n'a pas toujours été comme ça. Les religions hindoues pensent beaucoup le temps comme quelque chose de circulaire, donc quelque chose qui revient toujours. Tout ce qui est terminé recommence, et c'est très basé sur des cycles, le cycle des saisons, les choses qui reviennent toujours de manière quasiment immuable en fait. Et cette façon de représenter le temps, elle est assez intéressante aussi Et elle peut se croiser, en fait, il y a des versions hybrides, en fait, entre le temps linéaire et le temps circulaire, il y a des espèces de spirales. La spirale, c'est comme une droite, en fait, on passe que Exactement. Une seule fois par le même point. Exactement. Donc c'est comme si on était en ligne droite, topologiquement. Sauf qu'avec l'idée qu'on... On passe près d'eux. Et qu'on revit des choses, mais un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a une idée de mouvement, quand même, mais il y a cette idée de recommencement, mais d'avancer en même temps. Donc du coup, on se représente quelque chose quand même de très très lié à l'espace, toujours. Il y a dans un des articles qui est rédigé par un philosophe britannique qui s'appelle Julian Baggini ou Baggini, je ne sais pas comment on prononce, il raconte que les indigènes australiens, par exemple, enfin certains peuples premiers, ne demandent jamais quand est-ce qu'un événement s'est passé, mais plutôt en quoi l'événement est relié à d'autres événements. Et donc c'est une façon de penser non pas le temps, mais de penser le lien. Les chaînes causales. Les chaînes causales, exactement. Et donc s'il n'y a pas de cause dans le futur, il n'y a pas de cause dans le futur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'idée de mouvement vers l'avant. On est complètement dans une autre façon de penser. Dans les propositions que font les artistes pour parler du futur, il y a cette artiste qui s'appelle Cathy Patterson qui a eu l'idée de planter 1000 épicéas en Norvège et de les laisser pousser pendant 100 ans et dans 100 ans d'en faire de la pâte à papier sur laquelle on imprimerait des livres et qui auront été écrits chaque année au cours de ces 100 ans. Donc les épicéas ont été plantés en 2014. Mais comment est-ce qu'on peut transmettre un ordre dans le futur, même une intention? Comment est-ce qu'on peut être sûr que le projet sera réalisé par ceux qui seront là dans 100 ans et qui ne sont pas encore nés? Alors, visiblement, on briefe beaucoup ces petits-enfants. Non, mais effectivement, c'est le pari qu'on fait. Et c'est le pari qu'on fait quand on enterre des déchets nucléaires aussi. Mais là, dans un autre domaine... Sauf que là, on espère que personne n'aura à s'en occuper. On espère, exactement. On ne transmet pas d'ordre à distance. On ne transmet pas d'ordre à distance, mais on demande de ne pas creuser à cet endroit-là, malgré tout. De pas aller. Mais là, vous dites on essaie de faire en sorte que plus tard, les gens fassent ce qu'on voudrait qu'ils fassent, Exactement. Sans qu'on ait de rapport d'autorité avec eux. Non, on n'en est pas du tout certain, bien sûr que non. C'est une espèce d'espoir, en fait. Et c'est en ce sens que c'est une proposition, et une proposition artistique qui s'étale sur... qui transcende plusieurs disciplines. L'idée, c'est d'avoir cette conscience de la nature qui met son temps, de l'arbre qui met du temps à pousser. En même temps, la question, on ne sait pas si dans 100 ans, on lira toujours des romans. Est-ce qu'on sera toujours capable de lire sur du papier? Est-ce qu'on sera même encore capable de transformer des arbres en papier? Est-ce qu'on aura envie de le faire? Donc, ça vient poser, ça vient questionner tout ça. Et l'enjeu n'est pas du tout de savoir si vraiment dans 100 ans, il y aura des gens qui couperont les arbres, mais c'est de savoir comment on occupe ce temps-là pendant ces 100 prochaines. Mais le fait que le temps passe trop vite, parce que d'après ce que vous dites, finalement, c'est quand même ça qui ressort de la plupart des papiers. Oui. Le temps passe trop vite, et du coup, est-ce que ça ne rend pas incapable d'envisager le futur, finalement? Que le temps passe trop vite? Oui. Ah, probablement. Probablement, ça rend très difficile quand on a du mal à gérer les 10 prochaines minutes. C'est extrêmement difficile d'imaginer les 100 prochaines années. On a beaucoup parlé, on parle encore beaucoup du temps de travail en France et ailleurs. Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce qu'il y a entre les pays des très grandes différences sur la durée du travail? Alors, en Europe ou à l'extérieur? En tout cas, dans les articles qu'on a sélectionnés, même qu'on a cherchés, on s'est rendu compte que c'était plus tellement un sujet, la semaine des 4 jours. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps en ce moment. Il y a évidemment des pays où, enfin, il y a des on peut trouver des informations sur le temps de travail dans chaque pays, mais on peut pas les comparer entre elles. On peut comparer un pays au cours du temps, un même pays au cours du temps, parce que chaque mesure est identique, mais les pays entre eux ont des façons différentes de regarder le temps de travail. Et donc, de manière assez étonnante, le temps de travail, comme on en a beaucoup parlé au moment du passage aux 35 heures en France, c'est plus tellement un sujet. Il y a quand même des expériences qui se font. En Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a eu une petite entreprise de 200 personnes qui essayait la semaine à 4 jours, qui dit que c'est formidable. Bon, enfin voilà, c'est... Il y a des discussions sur les rythmes scolaires. Il y a des études aussi sur à quelle heure de la journée est-il le mieux de faire telle ou telle activité. Par exemple, réfléchir, faire l'amour. Je crois que vous avez publié un article dans ce sens. Exactement. Il y a un article exactement là-dessus, sur le temps biologique, en fait, sur cette fameuse horloge biologique. Et l'idée, c'est de montrer qu'on n'est pas toujours performant déjà de la même manière au cours de la journée, qu'on a des cycles au cours de la journée, qu'en moyenne, ces cycles, c'est 90 minutes, c'est 1h30, mais que donc c'est difficile parfois de bousculer nos propres cycles, qu'on n'est pas tous du matin, on n'est pas tous du soir, qu'il y a des moments où collectivement et individuellement, on ne va pas être très bon. Est-ce qu'il y a des études qui disent quelle est la durée optimale pour une émission de radio? Je crois que c'est 1 heure, non? Eh ben voilà, 1 heure s'est passée, donc on est exactement comme il faut. Merci Carole Lambeza d'être venue nous parler de ce numéro spécial de Courrier International consacré au temps dont il est dit qu'il passe trop vite. Merci à vous. C'est une question. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp et à la réalisation Thomas Jost. On croit que c'est facile de ne rien faire du tout. Au fond, c'est difficile comme tout. Il faut passer le temps, c'est tout un travail. Il faut passer le temps, c'est un travail de titan. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains. Quelle heure le chose du matin au soir, du soir au matin, je faisais la même chose, rien, je ne faisais rien. J'avais les moyens, à quelle triste histoire, j'aurais pu tout avoir, oui, ce que j'aurais voulu, si je l'avais voulu, je l'aurais eu, mais je n'avais envie de rien. Ce chien qui m'a plu, je l'ai. C'était un grand chien, un chien de berger. Mais la pauvre bête, comme elle s'ennuyait, s'ennuyait de son maître, un vieil écossais. J'ai acheté son maître, j'avais les moyens. Quel old écho, écho, écho, écho. Quel rôle d'écho, c'est. Quel rôle d'écho, c'est. Quel rôle d'écho, c'était que le berger de mon chien. Toute la journée il pleurait, toute la nuit il sanglotait. C'est tout à fait insensé, l'écossais dépérissait. Il ne voulait rien entendre, il parlait même de se pendre. J'aimais mes moutons, chante-t-il en écossais. Et le chien aboyait en l'entendant chanter. J'avais les moyens, j'ai jeté les moutons, je les mis dans mon salon. Alors ils broutèrent mes tapis. Et puis ils crevèrent d'ennui. Et dans la tombe, l'écossais les suivit. Et le chien aussi. We'll be right back. C'est alors que je partis en croisière pour me calmer mes petits nerfs. C'est alors que je partis en croisière pour me calmer, calmer mes petits nerfs. Calmer, calmer, calmer, calmer mes petits nerfs. J'allais calmer, calmer.